Boum boum. Boum boum. Musique française curieuse. Tous les mercredis de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. C'est par ces mots prononcés le 8 avril 1974, un lundi, depuis la mairie de Chamalières, que Valéry Giscard d'Estaing marqua une fois de plus l'histoire de notre beau pays et de celle de l'illustre cité du mythique stade Pierre Chartrousse. Personne à l'époque n'aurait pu deviner que, près de 48 ans après cette fameuse déclaration, celle-ci trouverait écho dans le studio à la lumière tamisée et à la moquette toute champouinée de la première radio universitaire de la Cité des Ducs. L'histoire se répète donc, et c'est avec un plaisir et une appréhension à peine dissimulée que nous tolérons ce soir l'ami Raymond Cosmic à Boum Boumo pour sa toute première apparition radiophonique depuis la dernière grille blanche en 2018 où, à l'époque, il sévit sur les ondes avec une rare débauche d'énergie dont les murs des studios portent encore le traumatisme. Nonobstant les limites du bon goût et de la morale, ou bien encore le courroux de la police de Boum Boumo, on embrasse au passage le vétéran Yanis tombé pour la France, Raymond Cosmic sort ce soir de sa tanière pour nous faire part de ses penchants pour la musique tricolore en nous livrant ici son petit bestiaire français, comme il affectionne à nommer ce petit pot-pourri subjectif de sonorité qui va accompagner votre soirée. Après l'acte 1 Chamalières, voici donc l'acte 2 Nantais. Prostré dans les studios, derrière le volant d'une rutilante AX rouge, ou encore devant l'assiette d'une vaisselle qui n'en finit plus, la France au fond des yeux, écoutons son message. En supplément de cette merveilleuse histoire, nous vous proposons maintenant de faire plus ample connaissance avec quelques-uns de ces fantastiques animaux qui dominaient le monde il y a plusieurs millions d'années. Camarade, je suis prêt à me lever à faire mon truc. Ouais, ouais, ouais. Je veux entrer à l'intérieur, homme, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Comme une machine à sexe, homme. Ouais, ouais, ouais. Le bouger, le faire, tu sais. Ouais, ouais. Est-ce que je peux le compter? 1, 2, 3, 4. Lève-toi, monte dessus. Lève-toi, monte dessus. Reste sur la scène, monte dessus. Comme une machine à sexe, monte dessus. Lève-toi, monte dessus. Lève-toi, monte dessus. Reste sur la scène. Lève-toi, monte dessus. Reste sur la scène, monte dessus. Comme une machine à sexe, monte dessus. Attends une minute, coupe tes bras, bouge tes fesses et reste sur la scène. Comme une machine à sexe, tu dois avoir le feeling, fais trembler ton os, te mettre tout ensemble, droit dessus, droit dessus. Lève-toi. Camarade. dresse sur la scène. Thank you. aujourd'hui c'est la fête chez l'apprenti sorcier. Devine ce qu'il a préparé à ses enfants. Il a fait jaillir son élixir acidulé de ses trouvettes ensorcelées de ses parents. Aujourd'hui, c'est la paix chez l'apprenti sorcier. Aujourd'hui, c'est la casse, licencié, je m'en fous. Ce soir je fais la malle, ce soir je suis gourou. Plus de travail, moi danser, patron, plus m'engueuler. Ce soir tout oublié, demain je m'oublierai. Ce soir je serai noir, danseur né aux azous. Whisky, coca pour toutes, j'ai des chèques en bambou. Demain moi plus pointé, je vais jeter mes clous sur la musique dansée, même si je finis au trou.

utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf. Ça veut dire quoi, ces conneries ? Le type qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre. Trop de croisières. Pour que l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du rideur digeste. Et dans ce bouquin il y a écrit que des gosses d'alcool douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le soave, on prend une corve. Pareil qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Encore des petits trous. Des trous de seconde classe. Des trous de première classe. Des petits trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Des petits trous, encore des petits trous. Je suis le poisson noir des lilas. Pour un valide changé à l'opéra. J'habite au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confettis. Je ramène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague. Je fais des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Da, da, da, da, da, da, da, da. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Des trous de seconde classe. Je suis le poisonneur des vilains. Arts et métiers direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la vie de l'air. Laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra où j'en suis sûr. Je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route. Et coûte que coûte. Et c'est pour moi les plus tôt. Je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des trous, des trous, des trous. Un petit trou, un petit trou, encore un petit trou. Et l'on mettra dans un grand trou. Et je n'entendrai plus parler trop, plus jamais de trou. Trou, trou, trou, trou, trou, trou, trou, trou. Dans la voiture qui les mène au centre des visiteurs, Alan et Ellie n'en croient pas leurs yeux. Des dinosaures, vivants, se déplacent à quelques mètres d'eux. T'enfiles ton jean élastique. Jamaïcaine, tu prends.

signal de la tour de contrôle s'allume et un avion disparaît dans le ciel sans lendemain. Les lueurs striant l'horizon noir de brume ressemblent à des fantômes de lumière. Me free. Paris-Orly, taxi pour Stalingrad. faut-il à cette larme pour dévaler ton nez? Je ne sais pas, il est l'heure d'aller se coucher. Il ne faut pas trop penser pour trouver le sommeil. D'amour faut-il pour y noyer la peine que je t'ai causée? Je ne sais pas, il est l'heure d'aller se coucher. Il ne faut pas trop penser pour trouver le sommeil. Trouver celle que je n'ai déjà posée. Je ne sais pas.